Osmose. Osmose Radio. L'heure du loup. Le meilleur des musiques sombres sur Osmose Radio. De pas traîner. C'est l'histoire d'un garçon. Ses parents l'avaient prévenu de pas traîner toutes les nuits dans les discos. C'est l'histoire d'un garçon. C'est l'histoire d'un garçon. C'est l'histoire d'un garçon qui ne pouvait pas arrêter de danser. Il finit par tromper. Bonsoir à tous, chers amis. Désolé pour le petit retard avec lequel commence cette émission. Il est 19h, mais je n'avais pas encore fini mon petit déjeuner. Soyez les bienvenus sur Osmose Radio, l'émission où on commence à en retard, mais on vous passe quand même du bon son. Et c'est l'heure du loup dans laquelle je vous accueille tout de suite, alors que la nuit se couche et que le rock se lève sur la station. À l'instant, c'était pour commencer cette playlist ce soir, un groupe allemand du début des années 80, Liaison Dangereuse, avec le titre Être assis ou danser. Un dilemme qu'on a tous connu en soirée quand on allait taquiner le dance floor, mais sur les bords parce qu'on était un peu timide. Et c'était sur un album éponyme qu'ils avaient sorti, d'ailleurs le seul album qu'ils aient sorti en 1981. C'était un groupe électro assez unique en son genre, un groupe plus ou moins expérimental qui chantait tantôt en espagnol, tantôt en français. C'était plutôt original pour des Allemands, vous me direz. Et voilà, ils ont sorti ce morceau qui était assez sympa. Hein. On vous avait dit de pas traîner toutes les nuits dans les discos parce que vous finirez par en crever. Et donc c'est de danse qu'il va être question ce soir, puisque la danse sera l'honneur cette semaine dans notre BNB, le Cité d'Avignon. Et pour continuer dans cet ordre d'idées, eh bien, je vous propose, après l'électronique, de continuer avec un peu de rock électrique, le groupe Bang Tango et le titre Dancing on Coals. Yeah. Bang Tango, Dancing on Coals, danser sur des charbons ardents. Hein. C'est parfois un peu l'impression qu'on a dans la vie, qu'on est dans des difficultés passagères. J'espère que ce n'est pas votre cas ce soir, chers amis. On est ensemble pour encore une bonne demi-heure de rock et se placer ce soir sous le thème de la danse. Parce que comme je vous le disais tout à l'heure, en ce moment à Avignon, c'est le Festival des Hivernales. Un festival de danse qui fête sa 36e édition. Un festival durable et intéressant où il y a des trucs bon, un peu intello, prout-prout et qui se prennent le chou, et puis aussi des spectacles intéressants, des stages, etc. Donc faites-vous plaisir, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur la programmation si le cœur vous en dit, c'est vraiment intéressant. Et moi je prends prétexte de ce festival et de l'ambiance qu'il met en ville pour vous faire une émission thématique sur le thème de la danse avec ces deux morceaux d'introduction qu'on vient d'écouter, Liaison dangereuse, être assis ou danser pour ce qui est de l'électronique, et Bang Tango, Dancing on Coals pour ce qui est de l'électrique, ce groupe de glam rock des États-Unis qui sortait ce titre donc en 1991. Je disais glam rock, mais je devais plutôt dire glam sleaze. Vous savez, c'était un style dérivé du glam rock des années 70, très très connoté californien, très très connoté. Enfin, vous pensez à tous ces groupes de mecs aux cheveux longs, bronzés aux UV, avec des pantalons léopard et des bandeaux roses dans les cheveux. Ben voilà, c'était un peu les Guns N' Roses et consorts. C'était ces groupes des années 80-90, totalement extravagants, mais qui faisaient quand même du bon rock and roll. C'est tout ce qu'on leur demande. Après tout, on va continuer, histoire de taquiner un peu le dance floor ou à défaut la moquette de votre chambre, ça dépend où vous nous écoutez, chers amis, avec un groupe britannique, un groupe de post-punk des années 80, puisqu'il y a des couillons, leur religion leur interdit de danser. J'espère que vous, si vous êtes comme moi, votre religion vous oblige à danser, c'est celle que vous êtes choisie, et ce soir on va s'en faire une idée avec les Lord of the New Church et le titre « Dance with me ». Let's dance, little stranger. Pam. Tu me fais tourner la tête, comme le chantait Edith Piaf. Plus simplement, les mecs de Dead or Alive ont chanté You Spin Me Right Round. Tu me fais tourner la tête aussi, mais d'une manière un peu différente. C'était à l'instant donc le titre You Spin Me Right Round de Dead or Alive, un groupe synth-pop des années 80. Comme disait Abel à l'instant en off, décidément, ça fleure bon ce morceau et celui qui était enchaîné juste avant, Lord of the New Church avec le titre Dance With Me. Ça fleure bon les années 80. Alors je sais pas si j'utilisais des synthés Roland MX-38 avec double section séquenceur analogique et trois prises triphasées, mais bon, ça devait être des trucs de cet ordre-là. Quoi qu'il en soit, effectivement, comme il disait, ça fleure bon les années 80. On va aller vers des choses un petit peu plus récentes, on va faire un bond vers les années... pas tout de suite, puisqu'on va rester en 1984, titre de ce morceau, titre aussi... Année où le groupe Christian Death sortait l'album Catastrophe Ballet, un album important pour un groupe important, un groupe dans lequel chantait Rose Williams, un chanteur charismatique qui aura eu une influence assez importante sur le rock un peu marginal de cette période-là, puisqu'elle a quasiment inventé le death rock. C'est un style musical qui se caractérise donc par un rock assez sombre, avec parfois des sons un petit peu stridents, et qui se caractérise notamment sur scène par des ambiances un peu théâtral, une nette influence du cabaret, un peu comme le Bad Cave au Royaume-Uni, et ben le death rock a été un petit peu l'équivalent aux États-Unis. Et de Rose Williams avec le groupe Christian Death s'en est fait le héros. Et dans cet album Catastrophe Ballet, ils avaient notamment le morceau qu'on va écouter tout de suite, le titre comme parfois on a un peu l'impression d'être somnambule quand on est crevé, ou alors que le rythme nous soutient quand on est sur la piste, et bien on va s'écouter tout de suite le titre Sleepwalk. Thank you. Bien sûr qu'on sait danser. Cool, parce qu'il y a une compétition samedi prochain et je dois trouver 4 danseurs pour m'accompagner et il me faut les meilleurs. Mes potes peuvent pas le faire, ils sont à chier, alors vous voulez bien être dans ma troupe? Dans une troupe, ça craint. On danse pas comme les copies de Britney Spears à l'école. Les gothiques dansent pour exprimer leur souffrance. Ouais, la seule façon cool de danser, c'est les bras le long du corps, les yeux rivés sur le sol. Et toutes les 3 secondes, tu tires une tape de ta cigarette. Ça devrait le faire. Écoutez, pour aller à cette compète de danse, j'ai besoin d'une équipe qui assure pour pas me faire doucher. Sans moi. Danser, tu fais ça tout seul dans ta piole à 3h du mat. Mais c'est la réputation de South Park qui est en jeu. Aucun de vous ne veut venir? Pas moi, en tout cas. Danser avec un groupe, c'est total conformiste. Ouais, j'y vais pas non plus. Les compétitions, c'est trop conformiste. Compte pas sur moi, j'y vais pas. Je suis le plus non-conformiste de la bande. Je suis tellement non-conformiste que je vais pas me conformer à votre prise de position. Ok, je vais le faire. Super! Wow, je crois qu'il nous a remis à notre place. Ouais, on s'est pris une douche gothique. À l'instant, un extrait d'un épisode de South Park que j'avais bien aimé, où le petit Stan doit recruter des danseurs et il s'adresse aux gothiques de l'école qui dansent tous pareils mais qui se veulent absolument pas conformistes. Ils sont tous pareils mais ils sont pas conformistes, c'est-à-dire qu'ils s'habillent tous de la même façon mais attention, ils sont pas conformistes, ils s'habillent pas avec des couleurs comme vous et moi. À l'instant, c'était un extrait de l'album Catastrophe Ballet, sorti en 1984, un album de Christian Death où chantait le regretté Rose Williams qui s'est suicidé en 1998 après avoir fait quelques beaux albums dans la deuxième moitié des années 80 et la première moitié des années 90. On va aller vers autre chose, un groupe qui a sorti en 2002 un titre très haut titre largement convenu quand il s'agit de rock gothique, un groupe qui s'appelle Danse Macabre, et on va écouter tout de suite le titre éponyme, Danse Macabre. Parasit besessen. Wird Parasit verflucht. Wird Parasit gekreuzigt. Und alle sind kaputt. Von Reichstechnologie. Von Zeitökonomie. Von Qualität des Lebens. Und Kriegsphilosophie. 1, 2, 3, 4. Brüssel, komm dann mit mir. 1, 2, 3, 4. Beide Hände reich ich dir. 1, 2, 3, 4. Meine Freunde, tanz mit mir. Wir tanzen Adolf Hinkel, Benzin und Apolloni. Wir tanzen Schickel drüber und tanzen mit Maitreya. Mit Totalitarismus und mit Demokratie. Wir tanzen mit Faschismus. Camarade, contente mir, mir. À l'instant, on vient d'écouter ce son martial venu d'Europe centrale. C'était un groupe industriel, de musique industrielle slovène, Leibar, et avec le titre Tanz mit Leibar. C'était sorti en 2003, mais Leibar s'est créé bien avant. C'était un groupe qui s'était créé à l'époque de la Yougoslavie de Tito, en 1980. Et de cette période, ils ont gardé une esthétique martiale, froide et légèrement totalitaire sur les bords. Mais rassurez-vous, hein, c'est que de la façade. Et en tout cas, ce morceau est une bombe à dance floor. C'était enchaîné juste avant avec un groupe hollandais, celui-là, un groupe qui a méchamment tout pompé aux Sisters of Mercy, mais c'est pas grave, ça se laisse écouter quand même. C'était Danse Macabre avec le titre Danse Macabre. C'était sorti sur l'album Eva en 2002. Très rapidement, parce que je suis grave à la bourre, chers amis, eh bien, je vous propose de nous retrouver la semaine prochaine à 19h05 pour une autre édition de L'Heure du Loup. Pour ce soir, eh bien, puisqu'on a quand même de belles traditions dans notre passé musical et folklorique, eh bien, s'il y a une période qui nous a conjuguer de belles musiques faites pour danser, c'est bien la période médiévale. Et je vous propose de nous quitter avec ça, avec le groupe Blackmore's Night et le titre Dance of Darkness, qui était sorti sur l'album Autumn Sky en 2010. Blackmore's Night, c'est le groupe fondé par Ritchie Blackmore, vous savez, l'ancien guitariste de Deep Purple, avec son épouse Candice Night, et tous les deux, donc, ils font ce projet médiéval et de musique médiévale et renaissance. C'est vraiment très joli et je vous propose de nous quitter avec ça. Mes loulous, je vous souhaite une bonne soirée, je vous fais un gros bisou et puis faites de beaux rêves. Salut.